Genèse chapitre 5. C'est ici le dénombrement de la postérité d'Adam, depuis le jour que Dieu créa l'homme, lequel il fit à sa ressemblance. Il les créa mâle et femelle, et les bénit, et il leur donna le nom d'homme, le jour qu'ils furent créés. Et Adam vécut 130 ans, et engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et le nomma Seth. Et les jours d'Adam, après qu'il eut engendré Seth, furent 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tout le temps donc qu'Adam vécut, fut 930 ans, puis il mourut. Seth aussi vécut 105 ans, et engendra Enoch, et Seth, après qu'il eut engendré Enoch, vécut 807 ans, et il engendra des fils et des filles. Tout le temps donc que Seth vécut, fut 912 ans, puis il mourut. Et Enoch, ayant vécu 90 ans, engendra Kénan, et Enoch, après qu'il eut engendré Kénan, vécut 815 ans, et il engendra des fils et des filles. Tout le temps donc qu'Enoch vécut, fut 905 ans, puis il mourut. Et Kénan, ayant vécu 70 ans, engendra Mahalaleel, et Kénan, après qu'il eut engendré Mahalaleel, vécut 840 ans, et il engendra des fils et des filles. Tout le temps donc que Kénan vécut, fut 910 ans, puis il mourut. Et Mahalaleel vécut 65 ans, et il engendra Jéred, et Mahalaleel, après qu'il eut engendré Jéred, vécut 830 ans, et il engendra des fils et des filles. Tout le temps donc que Mahalaleel vécut, fut 895 ans, puis il mourut. Et Jéred, ayant vécu 162 ans, engendra Enoch, et Jéred, après avoir engendré Enoch, vécut 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tout le temps donc que Jéred vécut, fut 962 ans, puis il mourut. Et Enoch vécut 65 ans, et engendra Methuselah, et Enoch, après qu'il eut engendré Methuselah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tout le temps donc qu'Enoch vécut, fut 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, mais il ne parut plus, parce que Dieu le prit. Et Methuselah, ayant vécu 187 ans, engendra Lémec, et Methuselah, après qu'il eut engendré Lémec, vécut 782 ans, et il engendra des fils et des filles. Tout le temps donc que Methuselah vécut, fut 969 ans, puis il mourut. Lémec aussi vécut 182 ans, et il engendra un fils, et il le nomma Noé, en disant, « Celui-ci nous soulagera de notre œuvre, et du travail de nos mains, sur la terre que l'Éternel a maudite. » Et Lémec, après qu'il eut engendré Noé, vécut 595 ans, et il engendra des fils et des filles. Tout le temps donc que Lémec vécut, fut 777 ans, puis il mourut. Et Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham, et Japheth.